À l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, les délégations étrangères sont arrivées le 5 courant par vol à Pyongyang. Ce sont l'administrateur général adjoint de l'Institut international des études jetées, Harish Gupta, et sa suite, la délégation de l'Association russe d'études des études jetées, conduite par son président Dmitri Kostenko, la délégation de l'Organisation mongole d'études des études jetées, conduite par Zhu Longbo, président de l'Association Baekdusan pour le développement indépendant, la délégation du Forum népalais de la littérature pour l'étude de la politique de Sengun, conduite par son président Sonkori Baroti, la délégation de l'Association népalaise de soutien à la politique de Sengun, conduite par son président Manik Rama, et la délégation de l'Organisation thaïlandaise d'études des études jetées, conduite par son président Sonsit Plap.